n'est pas un test. Ceci est un disque. British Connection. Je te juge, bêta contre moi. Oulala, British Connection. Qui déchire ton perfecto. On est les shérifs et on fait du bruit. Bonjour, c'est Jean-Noël Levavasseur dans British Connection. Je suis l'un des deux auteurs du livre La saga des shérifs par les shérifs, sorti chez Kicking Music. Et je suis là ce soir pour vous parler de ce projet et peut-être de la genèse du projet. Parce que pourquoi raconter la vie d'un groupe de rock et comment le projet est né? Bien finalement c'est assez simple. Moi je suis journaliste dans la vie. J'ai écrit dans pas mal de revues musicales et j'ai notamment interviewé au fil des décennies le groupe de Montpellier, Les Shérifs, mais aussi un certain Stéphane Cupillard, créateur et patron du label Kicking Music. Et lorsque le groupe s'est reformé, moi je tenais absolument à les voir avec une espèce de nostalgie en espérant retrouver un peu ce groupe qu'avait fait les grandes heures de ma jeunesse, mais tout en craignant que, comme le groupe s'était arrêté assez longtemps, que le groupe ne soit plus très crédible et plus très performant sur scène. Et là j'avoue que j'ai été un peu estomaqué par la qualité de la prestation des shérifs, parce que le temps ne semblait pas avoir de prise sur eux. Et j'ai interviewer les shérifs, interviewer Stéphane Cupillard, qui a sans doute décelé mon intérêt pour mon intérêt toujours vif pour ce groupe. Et un jour, il m'a appelé en me proposant de prendre les rênes de cette biographie qui était quand même une tâche assez importante puisque les shérifs fêtent leurs 40 ans cette année. Donc on s'est mis d'accord sur la façon de procéder qui était assez simple. Il s'agissait de rencontrer tous les shérifs, un par un. On a fait une fois Olivier et Manu ensemble. Olivier, donc chanteur et créateur du groupe. Et Manu, créateur du groupe aussi, batteur qui a quitté le groupe avant le premier split et devenu bassiste depuis la reformation. Et le reste du temps, donc, on a rencontré individuellement chaque musicien en leur demandant, en lui demandant de nous raconter sa vie de la naissance, en gros, jusqu'à aujourd'hui. Donc on a interviewé presque tous les shérifs, malheureusement, puisque Fred, le guitariste historique, était malade et que Fred a dans un premier temps préféré ne pas répondre à nos questions, puis accepter. Mais malheureusement, la maladie a été plus rapide et l'a emporté avant qu'on puisse lui poser des questions. Donc Fred est le grand absent de ce livre, mais quand même, quand on lit les souvenirs que les musiciens des shérifs gardent de Fred, on peut penser qu'il est un peu avec nous aussi. Alors ce livre, c'était justement une façon de faire revivre les grandes heures de ce groupe, en commençant par le début, c'est-à-dire l'enfance de chacun des musiciens qui se sont rencontrés, pas forcément par la musique, mais plutôt par le sport. Olivier était un grand adepte du sport, notamment grâce à ses parents. Il a rencontré Philippe, le premier guitariste, au lycée, mais tous les deux étaient à la fois passionnés de foot et passionnés de rock. Et Olivier avait quelque temps plus tôt rencontré Manu, avec qui il avait fait un premier groupe qui s'appelait Von, dans lequel il y avait le frère d'Olivier aussi. Et là aussi, c'était une rencontre née dans les vestiaires d'un club de handball, puisqu'il jouait dans le même club. Et que grandissant, bien, les centres d'intérêt ont changé et ils se sont découverts pour passion commune le rock'n'roll et plutôt le punk rock. Et ils ont décidé un jour de jouer au sein de Von, un groupe qui n'a pas duré très longtemps et dont ont été exclus Olivier, Manu et Phil. Ils se sont retrouvés tous les trois sans groupe et ils se sont dit on va former, tant pis pour ceux qui nous ont virés, qui n'ont pas fait grand chose d'ailleurs après, Von a disparu assez rapidement, mais nous, on a le rock chevillé au corps, on va former un groupe. Alors ils l'ont appelé Les Shérifs. Ils ont décidé de se lancer dans la composition, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et notamment, ils ont écrit un morceau que tout le monde connaît, que tout le monde reprend en cœur avec plaisir, qui s'appelle « Les deux doigts dans la prise ». C'est un des tout premiers morceaux composés par Manu, et c'est lui que je vous propose d'écouter maintenant. Si tu No Dad, British Connection. Vous êtes dans British Connection et aujourd'hui, c'est donc Jean-Noël Levavasseur, c'est moi qui vous parle d'un livre qui s'appelle La saga des shérifs par les shérifs, coécrit avec Stéphane Cupillard, patron de Kicking Music, qui donc m'a sollicité un jour pour écrire la vie de ce groupe qui, je le disais avant la pause, a commencé dans les années 80, à une époque qui est très différente de celle qui est la nôtre aujourd'hui. Et quand les shérifs en parlent, on a parfois l'impression qu'on vit un petit peu la préhistoire du rock'n'roll en France, puisque quand ils débutent, eh bien, ils jouent dans des fêtes patronales, ils jouent dans des salles des fêtes où on n'a pas beaucoup de matériel à leur proposer. Ils jouent par exemple avec les Forbans un jour dans une fête de village, ils jouent dans des salles qui ne sont pas du tout équipées comme pour le rock'n'roll et qui ne sont pas du tout les smacks luxueux qu'on connaît aujourd'hui. Ils vont dans des festivals où la qualité de l'accueil et les conditions techniques sont assez discutables. Et puis quand ils enregistrent pour la première fois, même pour les premières fois, on peut dire que les ingénieurs son n'ont pas vraiment la culture rock. Et donc il va y avoir tout un combat, entre guillemets, à mener pour imposer le rock aussi bien sur scène que dans les studios. C'est donc un groupe précurseurs. Alors ils sont pas les seuls puisqu'ils arrivent à peu près au moment de l'époque alternative où on va voir émerger par exemple Parabellum à Paris qui va être un groupe ami, un groupe assez qui va les inspirer un peu. Les Tugs bien sûr puisque Christophe Souris, le batteur des Tugs, a produit leur premier album et ils vont être amis avec les Rats. Ils vont avoir un petit groupe en première partie qui s'appelle La Mano Negra et puis on va donc ils vont cheminer avec comme espèce de figures inspirantes, un groupe qui s'appelle OTH, qui est vraiment donc le groupe de Montpellier, qui n'est pas beaucoup plus âgé qu'eux, mais suffisamment pour avoir roulé sa bosse avant que les shérifs attaquent. Et on découvre bien en lisant, en écoutant les témoignages des uns et des autres, que OTH, ce sont les grands frères. Clairement, c'est le groupe de Montpellier qui a marqué beaucoup de gens, mais qui a marqué tout particulièrement les shérifs. Ils ont ouvert la voie et ils leur ont montré un peu tout ce qu'il fallait faire. En plus, les shérifs avaient... OTH, pardon, avait un local. D'ailleurs, il y a un album qui s'appelle Live au local, disponible chez Kicking. Mais il y a chaque répétition d'OTH était finalement un concert où la porte était ouverte, où chacun pouvait venir. Et en fait, les shérifs ont beaucoup pratiqué ces répétitions, concerts, fiesta jusqu'à pas d'heure. Et c'est un peu grâce à ça qu'ils ont rencontré Michel, alias Miguel, qui est devenu leur premier bassiste. Et c'est sur ces fondements que s'est constitué le groupe. Donc on a tous ces témoignages qui permettent de reconstituer l'itinéraire d'un groupe assez unique, qu'on compare souvent, on dit des shérifs qui sont les Ramones français. Vous verrez en lisant le livre que certains sont d'accord, d'autres pas du tout. La mauvaise foi n'étant pas exclue dans certains propos dans cet ouvrage, puisqu'on a tenu à garder les propos de chacun qui se sont exprimés très librement et qui ne voient pas toujours les choses du même œil. Donc on a l'histoire d'un groupe qui démarre dans les années 80, qui sévit encore dans les années 2020, puisque là, ils entament leur tournée qui s'appelle la tournée du siècle, avec Tagada Jones notamment, avec aussi les Dirty Fonzie. Et puis, en général, c'est un plateau à quatre groupes, donc qui change un petit peu. Et puis, comme les 40 ans ne suffisent pas, on a envie de dire, comme le morceau qui va suivre, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure! Je t'en entends, combien on passe les ravages, je t'en entends, combien on prend le naufrage, mais nos rêves ne meurent pas, non, nos rêves ne meurent pas, alors pour mieux que ça tire, même si j'étire, pourvu, ça dure, pas facile, tous les éthers y sont, mais on s'en fout, on cherche les grosses émotions et on sait que. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Vous êtes toujours dans la British Connection et vous êtes toujours avec Jean-Noël Levavasseur. Je suis l'un des deux auteurs du livre La saga des shérifs par les shérifs, sorti chez Kicking Music et qui raconte évidemment l'histoire parfois un peu tumultueuse de ce groupe de Montpellier qui a un petit peu changé d'effectif au fil des années. Pas tant que ça non plus, hein, pour un groupe qui compte 40 ans d'existence, il y a des changements, mais il y a quand même vraiment des piliers qu'on suit au fil des décennies. Et donc l'idée qu'on avait avec Stéphane Cupillard, c'était bien sûr de recueillir leurs témoignages et leurs souvenirs au fil des décennies, et de voir la progression de ce groupe qui commence à Montpellier, qui a du mal à trouver des concerts, qui est même au début obligé d'organiser lui-même ses concerts, alors souvent au AVCOTH dont je parlais tout à l'heure. Et puis petit à petit, le groupe va sortir de Montpellier, sortir de l'Hérault, sortir de son sud pour monter au nord, s'installer, j'allais dire, en tout cas prendre comme base arrière Angers, où le label Gougnaf, qui sort leur premier album, les accueille lorsqu'ils tournent un petit peu dans le nord de la France, et en particulier en Bretagne, où ils feront leur première tournée et leur album live. Et donc on a voulu essayer de raconter tout ça, de se faire raconter tout ça d'abord. Alors évidemment, 40 ans, c'est énormément de dates. C'est des gens qui racontent qu'ils étaient sans cesse sur la route et qui nous racontent leurs souvenirs. Ils ont oublié beaucoup de choses, évidemment. Hein, 40 ans de concerts à répétition, on ne peut pas se souvenir de tout. Mais ils nous racontent aussi les enregistrements, les rencontres avec d'autres groupes, les cohabitations qui se font plus ou moins bien. Ils nous racontent par exemple leur concert des Ramones à Pau. Alors évidemment, on peut imaginer que c'est un moment privilégié pour un groupe qu'on compare souvent aux faux frères new-yorkais. Le jour où on se retrouve sur scène avec eux, c'est formidable. Et bien, vous verrez en lisant le livre que formidable n'est pas tellement le mot qui colle pour qualifier la journée qu'ils ont vécue aux côtés des Ramones, mais malgré tout, c'est un souvenir marquant. Ils racontent aussi évidemment, on pouvait pas passer à côté leur tournée en Italie, puisque c'est lors d'une tournée en Italie que le groupe va splitter, avant de se reformer quelques années plus tard à la faveur d'un concert qu'on disait d'adieu et qui finalement s'est avéré être un concert de reformation, parce que entre 5 et 7 000 personnes sont venues applaudir les Shérifs, tout le monde chantait les chansons. Ils se sont dit, comme tous les musiciens étaient présents de toute l'histoire, tous les musiciens étaient présents pour jouer ce jour-là, ils se sont dit qu'ils allaient sortir un album live, et qu'évidemment, s'ils sortaient un album live, il fallait forcément l'accompagner de quelques dates, et ces quelques dates ne se terminent pas. C'est un petit peu le Never Ending Tour des Shérifs, et ça continue aujourd'hui, puisque, je le disais tout à l'heure, le groupe fête ses 40 ans à l'occasion d'une tournée qui se veut un petit peu historique, et qui sera accompagnée de ce livre. Donc le livre s'appelle La saga des Shérifs par les Shérifs. Je le disais, ou plutôt je ne l'ai pas dit, il est accompagné d'un livre, mais aussi d'un album qui s'appelle Grand Bombardement Tardif, et c'est sur une chanson de cet album qu'on va se quitter. Le titre s'appelle Du rock'n'roll dans ma bagnole. Ça résume assez bien, les paroles résument assez bien l'état d'esprit des Shérifs. Et si vous avez l'occasion de regarder le clip, eh bien vous verrez que l'un des deux garçons un peu endormi dans la voiture n'est autre que Stéphane Cupillard, le co-auteur de ce livre. Mais je rassure nos auditeurs, il est en meilleur état pour faire les entretiens que pour enregistrer ce clip. Là-dessus, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas d'écouter du rock'n'roll dans la bagnole. We'll be right back. président de la République, je prendrai le petit bonhomme en mousse pour nouvelle hymne nationale. Moi, président de la République, je rendrai le port obligatoire des Santiago et Perfecto à mes ministres. Moi, président de la République, j'instaurerai 5 jours fériés par semaine pour aller au concert, pogoter et s'éclater entre potes. Enfin, moi, président de la République, je rendrai l'apprentissage du rock obligatoire dès la maternelle avec 20 heures de British Connection par semaine. British Connection. La seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Hey ! Tu as déserté hier, camouflage militaire. La jungle de ta polaire, c'est la peine de la forêt. Personne te retrouvera. Caméléon dans les bois, sur ton bombard camouflage, tes cheveux poussent en impasse. Car tu es camouflage. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez 3 titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie fin de l'album de la semaine. Il s'appelle Ferrel, le groupe Fuzeta. Ils seront en showcase le 13 avril prochain à Lorient, dans la colloque d'en face. Without Sheffield or Guiding Star, c'est vraiment le chaînon manquant entre nos premiers EP, guitare, basse, batterie très brute de décoffrage, et l'ampleur qu'on a choisi de développer pour notre premier album avec des cuivres, du synthé, qui viennent beaucoup ouvrir notre spectre sonore, et logiquement, la palette des émotions dans notre musique. Très naturellement, c'est le morceau qu'on a choisi comme premier single de Ferrel. I've chosen to cover up my soul. I just can't understand these rules. Inside all those fears in bloom that flow like a golden draft keep beating hard, my frozen heart forever live up to my blood keep beating while I walk the line. No more plans, no exit anymore. Will I always find the days. Moi, j'écoute British Connection. J'en suis folle le jour et la nuit. J'en fais même des insomnies. Allez, une dernière pause dans British Connection. On se retrouve dans un instant pour la dernière demi-heure. On la débutera avec la série live, il y aura du Little Nemo, du Bauhaus et les deux titres pour le prix d'aujourd'hui, Diva. À tout de suite.